qu'un clé de dos sur mon bigo. J'ouvre le terrain avec qui reste dans le frigo. Me harteler, ça peut t'allumer comme un rio. J'suis dans le bénéf, j'ai toujours la hache en vue. Faut des millions d'euros. Donc de sourds malheureux. Faut des millions d'euros. J'ai changé tous mes euros en monétaire. J'fume le nojo, j'te laisse la ponce au dégât. Minuit fermeture, j'ai fait partir tout le détail. Tout soit 10-50 en moyenne, j'dois ravitailler. 800, j'fais de la fraîche, j'les laisse faire les intéressants. Que de la frappe, moulatant, j'suis dans l'argent, j'peux pas mettre le clignotant. Pas beaucoup de regrets, j'ai le rouge. J'vendrai neige en été. J'attends la fin du mois, les euros. J'prends l'hommage à repayer. Pas beaucoup de regrets, j'ai l'euro. J'vendrai neige en été. J'attends la fin du mois, les euros. J'prends l'hommage à repayer. Allô, j'viscère à droite, à gauche, fini misère. J'vends de la peu froid, des 10, des 20, j'm'arrête à l'aube. Mon pote fuck les réseaux, jamais personne ira voir l'autre, ça se tire dessus avec des mots. Oui, j'claque l'oseille et j'quitte la ville. Aucune salope sur ma vire, cheval galope, Ferrari. J'encaisse qu'à la grand sourire. Et j'peux durer sur ma vie, qu'on en a fait, mais qu'on a pas. Des choses à se dire, on se connaît pas, non. Nadal nous aussi, les salopes ou les pronostics. J't'assure que j'éteins la guerre vite. J'me l'écoute crasser des coups de fil. Juste après ça, j'décompresse. Au soleil, avec ma biche, j'appelle ma S. Pour un feed, la grenade, j'la dégoupille. Pas beaucoup de regrets, j'ai l'euro. J'vendrai mes gérants en été. J'attends la fin du mois, les euros. J'prends l'hommage à repayer. Pas beaucoup de regrets, j'ai l'euro. J'vendrai mes gérants en été. J'attends la fin du mois, les euros. J'prends l'hommage à repayer. J'attends la fin du mois, les euros.